France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fraude espagnole, les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, où quand des basketteurs se font passer pour des handicapés mentaux pour gagner la médaille d'or. Le 18 octobre 2000, s'ouvre la 11e édition des Jeux paralympiques dans la ville australienne. Une équipe se distingue par son niveau du jamais vu. La sélection espagnole de basket dite des déficients mentaux. Les 12 joueurs enchaînent les victoires jusqu'à rafler l'or le 24 octobre 2000 lors de la finale face à la Russie. Bien. Mais quelques semaines plus tard, un journaliste révèle une supercherie. Et quelle supercherie ! Car sur 12 des basketteurs de l'équipe, 10 n'étaient pas handicapés. Et le reporter en a la preuve, il a lui-même infiltré la sélection espagnole et il a joué pendant les Jeux paralympiques de Sydney. Cerise sur le gâteau, la Fédération espagnole de sport pour les déficients mentaux savait que 10 athlètes de la délégation étaient valides. Elle était même aux manettes, cette fédération. Revenir sur cette tricherie, c'est aussi raconter la folle aventure des Jeux paralympiques et le dur combat des handicapés mentaux pour intégrer la compétition mondiale. Notre invité aujourd'hui, Marc Truffaut, le président de la Fédération française de sport adaptée aux handicaps mentaux et psychiques. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Silia. La flamme s'allume, les 11e Jeux paralympiques commencent. Un mois après, Sydney vit sa seconde cérémonie d'ouverture, les handicapés ont décidé de se surpasser. Côté chiffres, on bat déjà des records. 5000 athlètes venus de 130 pays vont se disputer 582 médailles. Les 149 athlètes français seront présents dans 14 des 18 sports. Et puis, une nouveauté à Sydney. Pour la première fois, les déficients intellectuels seront en compétition. Comme pour ceux des athlètes valides, les Jeux paralympiques seront une grande fête. 24 octobre 2000, cela fait déjà 15 jours que la 11e édition des Jeux paralympiques s'est ouverte dans la capitale australienne. Pour la deuxième fois de l'histoire de ces Jeux, des personnes en situation de handicap mental peuvent y participer. Aujourd'hui, c'est la finale de basket de la catégorie déficients mentaux qui oppose l'Espagne à la Russie. Euphorie et ambiance électrique dans les gradins. Sous les yeux de l'infante Elena de Bourbon et de son époux, venu spécialement d'Espagne pour assister à cette finale, l'équipe ibérique ne lâche rien. Elle enchaîne les paniers. Sur le terrain, dans son maillot et son short rouge et blanc, le capitaine Ray Torres, handicapé donc, est sur le point de réaliser son rêve. Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin de la partie. Cet immense type de 26 ans, au collier de barbe et aux chaussures en taille 52, doit tenir. Son équipe a enchaîné les victoires tout au long de la compétition. 5 matchs, 5 triomphes, rien ne peut l'arrêter. Pourtant, 2 semaines plus tôt, dès le grand départ pour Sydney, Ray Torres a senti que quelque chose clochait au sein de la sélection espagnole de basket. À l'aller, les joueurs ont d'abord voyagé dans un vol séparé des autres équipes du pays. Bizarre. Même chose dans le village olympique. On ne se mélange pas. Étrange. Tous les soirs, alors que les athlètes des autres pays écument les bars australiens, côté sélection espagnole de basket, c'est chacun dans sa chambre. Pas de cohésion, pas de blague à deux balles entre copains. Pire encore, lors de la demi-finale contre la Pologne, les coéquipiers de Ray, pourtant capitaine, ne l'ont pas prévenu de l'heure du match, non. Ils l'ont laissé seul dans sa chambre d'hôtel, alors qu'eux étaient déjà sur le terrain. Ray ne s'entend bien qu'avec un seul joueur, finalement, Juan Pareja. Avec lui, oui, il se sent bien. En 2021, Torres raconte cette ambiance particulière dans le podcast de la BBC, The Fake Paralympians. Quand je suis allé à Sydney, mon cœur battait si fort que je n'entendais plus les autres. Je ne savais plus du tout où j'étais. Je pensais que c'était un rêve. Tu penses que tu n'y arriveras jamais à y être, mais quand tu y es, tu as besoin de quelques secondes pour comprendre. Je l'ai fait. Mais quand je suis arrivé, la délégation espagnole était différente. Ils ne faisaient pas les choses comme nous. C'est pour ça qu'un soir, j'ai appelé Rosie, ma sœur. J'ai dit, il se passe quelque chose ici, ils ne sont pas bizarres. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ray grandit dans les années 70 au bord de la Manche, à Weymouth, en Angleterre, d'où ce prénom britannique, Ray. Ses parents espagnols, d'où son nom, Torres, tiennent une épicerie ibérique qu'il transforme en bar. Dès l'enfance, Ray souffre des moqueries incessantes et du harcèlement des autres gamins. Il a du mal à s'exprimer, il est trop lent. On lui diagnostique un handicap mental. À 15 ans, son père lui offre un ballon de basket de la fameuse marque américaine Spalding. Dans le pays du rugby et du football, l'Angleterre, Ray se réfugie, lui, dans le basket. Et il ne quitte plus son ballon, comme greffé à sa main. Il dort avec même. En tout cas, son jeu et sa vie s'améliorent. Dans les passes et les rebonds, il parvient à communiquer avec le monde. En 1992, il participe à une compétition internationale à Madrid pour les athlètes déficients mentaux. Et il décroche la médaille d'or et il devient même le capitaine de la sélection en 1994. Alors, quand il apprend que son équipe pourrait se qualifier pour les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, Ray se mue en Rocky Balboa, le boxeur héros de la série de films qui a marqué son enfance. Il court pendant des kilomètres, s'entraîne sur le terrain toute la journée. Et ça marche. À l'automne 2000, il traverse la planète et pose ses pieds immenses en Australie. Ce 24 octobre 2000, il reste quelques minutes de match pour cette finale contre la Russie. Le public se déchaîne. Entre deux foulées, Ray encourage les autres joueurs. Dernier coup de sifflet. Son équipe vient de remporter la finale de basket des déficients mentaux des Jeux paralympiques de Sydney. Le score, 87 à 63. Ray prend ainsi une revanche sur ses camarades qui se moquaient de lui dans la cour de récré à cause de son handicap. Il enfile sa médaille d'or et pose fièrement face aux objectifs. Et les basketteurs espagnols deviennent des héros. Ils remportent l'une des 107 médailles de leur pays qui finit troisième derrière l'Australie et le Royaume-Uni. Mais pas de départ en fanfare, non. Juste un cliché sur le podium, médaille au cou, et c'est tout. L'équipe quitte le stade discrètement, ne donne aucune interview. Ray témoigne auprès de la BBC. La finale, c'était une décharge dans mon ventre. C'est allé très vite. J'ai eu l'impression de flotter pendant le match. Mais après cette finale, tout a changé. Ma famille était là avec plein d'autres personnes, tout le monde était fou. J'ai beaucoup aimé ça. Mais arrivé en Espagne, les autres joueurs se sont mis des lunettes de soleil, ils se cachaient. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Arrivé sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, les joueurs enfoncent leurs casquettes sur leur tête et sortent par une porte dérobée pour éviter les journalistes et les supporters venus pourtant les accueillir chaleureusement. Ray Torres ne comprend pas. Aucune interview n'est donnée alors que la victoire des basketteurs réenchante l'Espagne. Quelques jours après la finale, le quotidien sportif madrilène Marca publie en une la photo des basketteurs victorieux sur le podium australien. 12 champions, bouquet en main, médaille d'or au cou. Mais très vite, des lecteurs appellent la rédaction. Et dites donc, ce type, je le connais, c'est un collègue, il n'est pas du tout handicapé. Non, j'ai déjà joué avec lui, il n'a pas de handicap mental, vous dis-je. Sur la photo, un journaliste sportif spécialisé en basket reconnaît même 3 joueurs d'une équipe du quartier d'Alcalá de Henares à Madrid, une équipe dont aucun joueur n'est déficient mental. Le reporter se met lui-même à enquêter et sort son premier papier dans un magazine espagnol spécialisé basket, Gigantes. L'un des médailles d'or de l'équipe lui téléphone. Il le supplie de cesser d'ébruiter l'affaire. Mais le journaliste, indépendant, libre, refuse. Dans la foulée, la Fédération des sports pour les handicapés intellectuels publie des certificats censés prouver le statut d'handicapé des 12 joueurs de l'équipe. Le 27 novembre 2000, un mois après le début des Jeux, le rêve de Ray Torres s'écroule pour de bon. Le magazine économique espagnol Capital publie une enquête intitulée « Fraude aux Paralympiques ». Sur les 12 joueurs médaillés, 10 prétendaient être handicapés mentaux, ils ne l'étaient pas. Le journaliste à l'origine de cette enquête s'appelle Carlos Ribagorda. Erre le connaît bien. Il faisait partie de l'équipe de basket espagnole qui a raflé la victoire contre la Russie le 24 octobre à Sydney. Oui, c'est lui, Carlos Ribagorda, qui a infiltré la sélection. Il a prétendu être handicapé avec la complicité de la fédération elle-même. Début 1999, on m'a proposé de disputer un match international avec l'équipe de basket des handicapés mentaux. J'ai accepté de jouer le jeu par pur intérêt journalistique. Et aujourd'hui, j'affirme qu'au moins 15 des 200 athlètes de la délégation espagnole étaient des sportifs normaux. Et sur ces 15, 10 des 12 basketteurs médaillés d'or dans 7 disciplines. L'objectif était d'avoir un grand nombre de médailles pour obtenir davantage de subventions. Les certificats présentés par la FEDI étaient faux. Et j'estime que 5 des 107 médailles ramenées par l'Espagne sont douteuses. Le basket pour déficients mentaux n'est pas la seule discipline mise en cause dans l'enquête. Le tennis de table et l'athlétisme sont aussi épinglés par le journaliste Ribagorda. En 99, après un match amateur, on lui propose donc de rejoindre l'équipe de déficients mentaux alors qu'il n'a aucun handicap. Il en parle à son rédacteur en chef au magazine Capital. Et il décide de rejoindre cette sélection en tant qu'infiltré pour publier l'enquête dans les pages de son journal. Avec cette équipe, il participe à la Coupe Ibérique. Lors d'un dîner à l'issue de l'un des matchs, des organisateurs lui expliquent que le JO paralympique ne serait qu'une vaste escroquerie. Des voyants jouent, par exemple, dans l'équipe des aveugles. Avec le JO paralympique de 2000, la fédération veut remporter beaucoup de parrainages avec de grosses entreprises espagnoles comme la multinationale Telefónica ou la banque BBVA. C'est Fernando Martín Vicente, à la tête de 6 fédérations nationales de handisport, qui orchestre cette mascarade. Et ce que le journaliste découvre par la suite est hallucinant. Sur 12 joueurs de l'équipe de basket, seuls 2 sont véritablement en situation de handicap mental. Ray Torres, futur capitaine à Sydney, et Juan Parera. Pour jouer à Sydney et prouver son handicap, Ribagorda, vrai journaliste mais faux handicapé, a dû faire 6 pompes. Des médecins lui ont ensuite mesuré la tension. Rien de plus. Tous les joueurs ont été soumis à des tests sous la forme de questionnaires dont les résultats ont tous été trafiqués. Les organisateurs leur ont ordonné « Faites exprès, répondez à côté ». En 2000, arrivée au village olympique, la sélection espagnole suit les ordres. Elle doit se faire discrète, éviter les interviews et ne pas se mêler aux autres participants des JO paralympiques. Les 2 joueurs en situation de handicap mental ne sont au courant de rien. Et personne ne doit remarquer la supercherie. Dès les premiers jours de compétition, l'équipe rafle la mise. Premier match contre la Chine, victoire avec 30 points d'écart. Dans El Mundo, Ribagorda revient sur ce match d'ouverture contre les Chinois et confirme les doutes du joueur Ray Torres. L'arbitre a accordé un temps mort. Et les joueurs de notre équipe de basket sont allés directement sur le banc. On menait la Chine de 30. Si bien qu'au temps mort, le coach nous dit, mi-plaisantin, mi-sérieux, « Les gars, levez le pied, on va être découverts. » À son retour en Espagne, le journaliste publie son enquête dans Capital et renvoie sa médaille. En décembre 2000, le comité paralympique espagnol ouvre une enquête et retire la récompense des joueurs ayant participé à la fraude. Dans la foulée, le président de la fédération, Fernando Martín Vicente, démissionne. Ray Torres, le capitaine au rêve de champion, l'un des 2 seuls joueurs vraiment en situation de handicap mental, est terrassé. Mais pourquoi le journaliste Carlos Ribagorda a-t-il attendu le dernier moment pour sortir son enquête ? Pourquoi n'a-t-il pas prévenu les autorités avant la finale contre la Russie ? Selon lui, ce reporter érigé en héros fait partie de l'escroquerie. Il l'a trahi, lui aussi. Dans une enveloppe Kraft, Torres renvoie à son tour sa médaille. Il détruit tous les souvenirs qui le relient à Sydney, les coupures de journaux, les vêtements, et même cette photo de lui, avec un gros serpent domestique et inoffensif autour du cou, lors d'une de ses balades dans la capitale australienne. Il avait pris la pose pour effrayer sa mère, et ça avait été efficace. Torres n'a pas peur des serpents, mais il a peur de l'absurde. Il va devoir prouver son handicap, un comble. Il est sommé de se rendre à Madrid pour effectuer une batterie de tests. La fédération ne lui propose aucun accompagnement ou support psychologique. Pendant 3 mois, il s'enferme dans son appartement, revit ses traumatismes d'enfance, de ce crime avec exclusion, moquerie, harcèlement cruel de cours d'école. Descente aux enfers. Avec Juan Pareja, l'autre joueur handicapé, il paye la malhonnêteté de 10 joueurs et de toute une fédération corrompue. Des années plus tard, Ray expliquera dans la presse, c'était comme se faire traiter à nouveau d'attardé, comme quand on se moquait de moi. De son côté, s'estimant incapable de mesurer le niveau de handicap intellectuel des sportifs, le Comité international paralympique décide d'exclure les handicapés mentaux des Jeux. Et les médias internationaux s'emballent. C'était à l'époque des Jeux paralympiques de Sydney. Les 12 joueurs de la sélection espagnole de basketball venaient de remporter la médaille d'or. Aujourd'hui, les sourires sont un peu plus crispés. Au terme d'une enquête interne, le Comité paralympique espagnol vient de rendre une décision inédite. Il demande aux joueurs de rendre leur médaille. Le scandale aura donc duré un mois au cours duquel la presse parlera de tricherie. Selon l'un des joueurs, au moins 14 des 200 athlètes de la sélection espagnole ne souffraient d'aucun handicap. Le Comité paralympique a-t-il sélectionné en toute connaissance de cause ces athlètes? Son vice-président Fernando Martin Vicente connaît peut-être la réponse. Il vient d'être expulsé du comité. Les 10 joueurs qui ont menti tentent de se défendre comme ils peuvent, mais ils offrent surtout une démonstration de mauvaise foi. Jouer à Sydney, c'est une façon d'aider à faire connaître le handisport, dit l'un. C'est faire progresser le basket pour déficients mentaux, clame l'autre. Mais à cause de cette escroquerie, toutes les délégations de sportifs en situation de handicap mental sont exclues des Jeux paralympiques. Ça veut dire que Ray Torres ne pourra pas jouer aux JO d'Athènes en 2004. Les autres fédérations paralympiques ne décolèrent pas. Enfin, quand un athlète non handicapé est contrôlé positif au dopage, toutes les autres équipes ne sont pas exclues. Alors pourquoi doivent-elles payer pour cette tricherie? Comment une fédération a-t-elle pu échafauder un plan si sordide? Où est passé l'esprit de tolérance des Jeux paralympiques? Pour mieux comprendre l'indignation qui secoue le milieu sportif lors de cet automne 2000, il faut revenir sur la folle aventure des Jeux paralympiques et remonter au début du XXe siècle, en Allemagne, et plus précisément en Haute-Silésie, une région de Pologne. Aujourd'hui, tricherie aux Jeux paralympiques. Affaires sensibles sur France Inter. C'est en Pologne que naît Ludwig Gutmann en 1889 dans une famille juive. moustache, visage aussi rond que ses petites lunettes de vue. Dans les années 30, ce neurologue à la réputation internationale dirige le service de neurologie de l'hôpital municipal de Hambourg. En 1933, Hitler arrive au pouvoir et décrète que tous les scientifiques juifs, médecins et universitaires ne pourront plus travailler dans les hôpitaux civils. Gutmann, 40 ans, deux enfants à charge, perd son travail. En 1937, il se rend à Breslau, en Pologne, et prend la tête de l'hôpital juif de la ville, l'un des rares lieux où il a encore droit d'exercer. Le 10 novembre 1938, les nazis sèment la terreur lors de la nuit de cristal. Gutmann prend alors le risque d'admettre dans son hôpital 64 juifs, blessés ou non, pour les protéger des milices d'Hitler. Des centaines de juifs sont tués ou blessés, 30 000 d'entre eux sont déportés. Dès le lendemain, trois SS l'attendent à l'hôpital de Breslau. Ils demandent à Gutmann de rendre compte de chacune des admissions de la nuit qui précède. Flanqué des trois officiers nazis, le médecin se rend au chevet des 64 faux blessés et faux malades. Et il invente des diagnostics. Dans le dos des SS, il demande à ses faux patients de grimacer pour justifier une crise. Et il réussit à sauver 60 personnes. Après cet interrogatoire, il sait que ses jours sont comptés et il s'exile en Angleterre avec sa femme et ses deux enfants. Au Royaume-Uni, Gutmann est nommé au centre pour blessures à la colonne vertébrale de Stoke Manville, petit village au nord-ouest de Londres. En pleine Seconde Guerre mondiale, des blessés qui ont pris une balle, un éclat d'obus dans la colonne affluent, rapatriés dans des demi-cercueils, déjà condamnés. Personne ne veut et personne ne sait soigner ces indésirables. Shooté à la morphine, plâtré des pieds à la tête, délaissé, il décède généralement d'une infection à l'hôpital. Ludwig Gutmann décide alors de les accueillir et de trouver des solutions. Le neurologue retourne d'abord les blessés sur leur lit toutes les deux heures pour éviter les escarres. Il consacre tout son temps à ces malades et travaille jusque tard dans la nuit. Parce qu'il veut les réinsérer dans la vie sociale, en faire des citoyens comme les autres. Le centre de Stockmanville propose des activités manuelles, du sport. Alors il insiste, la paraplégie n'est pas la fin du chemin. C'est même peut-être une nouvelle vie. Au cœur de programme qu'il conçoit pour ses blessés du rachis, le sport, le tir à l'arc, le basket en fauteuil roulant, le lancer de javelot. Et le moral des patients remonte en flèche, leur santé physique également. Au fil des mois, les résultats dépassent ses attentes. En 1948, en parallèle des Jeux Olympiques de Londres, Gutmann organise les Jeux mondiaux des athlètes amputés et en fauteuil. La France envoie une délégation de vétérans. Deux équipes d'anciens combattants s'opposent au tir à l'arc. En 1952, donc 4 ans plus tard seulement, ils sont 230 compétiteurs internationaux à s'opposer. Cette compétition a lieu chaque année et elle est de plus en plus populaire, comme le montre ce reportage de la RTF en 1955. C'est aujourd'hui 30 juillet à Stoke Mandeville, dans le sud de l'Angleterre, que se déroulent les Jeux Olympiques des paralysés, organisé par le ministère britannique de la Santé avec la collaboration de la Fédération mondiale des anciens combattants. Stoke Mandeville a été choisi parce que c'est là, de nombreux auditeurs le savent, qu'est installé le centre de traumatologie spinale du docteur Ludwig Gutmann, qui est d'ailleurs le promoteur de ces jeux. Outre 100 Britanniques, près de 100 invalides participeront dans leur fauteuil roulant à des compétitions de tir à l'arc, ping-pong, lancement du javelot, basketball, etc. En outre, un concours de natation réunira tous ces hommes et toutes ces femmes dont on ne peut qu'admirer le courage et la ténacité. Parmi les participants, on compte des représentants des États-Unis d'Amérique, d'Australie, de Finlande, de Belgique, des Pays-Bas, de Danemark, d'Israël, de la République fédérale d'Allemagne, etc. Gutmann souhaite que sa compétition suscite l'intérêt du Comité international olympique. À l'instar des Jeux olympiques, il veut organiser de vrais Jeux internationaux adaptés aux athlètes handicapés. Il médiatise le plus possible l'événement, invite des vedettes, des politiques ou des membres de la couronne britannique. En 1960, le neurologue obtient enfin gain de cause. Les 9e Jeux de Stockmanville ont lieu une semaine après les Jeux olympiques de Rome. Le Comité international olympique accepte que 400 athlètes en situation de handicap s'y affrontent. Cet automne-là, le pape Jean XXIII surnomme le neurologue philanthrope le docteur Coubertin des paralysés. 6 athlètes français y participent, parce que c'est bien connu, hein, l'essentiel c'est de participer, mais 2 sur 3, tous décrochent une médaille. Mais le combat reste encore long pour que cette compétition atteigne une véritable renommée internationale et pour que ces athlètes cessent d'être infantilisés. En 1964, l'ORTF s'intéresse et surtout s'apitoie sur ces sportifs dans un long reportage intitulé « L'école de la volonté ». Tokyo. Tokyo, où les Jeux pour handicapés physiques ont pris la relève des Jeux des athlètes valides. Une affection, une lésion, voire même une section de la moelle épinière prive ceux-ci de l'usage de leurs membres inférieurs. Longueur des courses 50 mètres, classement établi en 3 catégories suivant l'importance du handicap des participants, classement qui valut aux Français une médaille de bronze. Quant à ces images, elles soulignent ce que furent ces Jeux de Tokyo, des Jeux du courage. Oh, bien sûr, certains pays méprisent la compétition. En 1980, par exemple, l'Union soviétique refuse d'accueillir l'événement à Moscou dans la foulée des JO. Les Pays-Bas, en revanche, décident d'organiser ces Jeux à Arnhem. La cérémonie d'ouverture commence par une minute de silence. Quelques mois plus tôt, en effet, le 18 mars 1980, Ludwig Guttmann, le père des Jeux paralympiques, s'est éteint. En 88, dans la foulée des JO de Séoul en Corée du Sud, pour la première fois, les Jeux paralympiques ont lieu sur les mêmes installations sportives que les JO. Mais une distinction est faite entre handicapés dits moteurs et handicapés mentaux, ces derniers ne pouvant pas participer à la compétition internationale. D'autres rencontres sportives sont donc créées pour intégrer ces athlètes. En 68, par exemple, Eunice Kennedy Shriver, sœur cadette du président John Kennedy, crée les premiers Jeux Olympiques spéciaux à Chicago. Il se trouve que dans les années 40, sa sœur aînée, Rosemary Kennedy, souffrait de dépression. Avec l'aval de son père, et presque sur la demande d'ailleurs de son père, Joseph Kennedy, Walter Jackson Freeman et James Watt, qui viennent de démocratiser la lobotomie, opèrent la jeune femme de 23 ans. Cette opération censée soigner les troubles mentaux féminins fait des ravages et détruit des vies. Rosemary Kennedy en ressortira handicapée mentale et passera le reste de sa vie dans un institut à l'abri des regards. Comme pour laver sa conscience, le patriarche Kennedy crée alors une fondation en faveur des personnes en situation de handicap. Et en 1957, Eunice Kennedy Shriver, l'une de ses filles donc, prend la direction de la fondation Joseph Kennedy Jr. C'est en juillet 68 que sont organisés ces premiers Jeux Olympiques spéciaux à Chicago. Et c'est Eunice Kennedy qui les ouvre. Ces Jeux rassemblent 1000 athlètes venant du Canada ou des États-Unis qui s'affrontent à la natation, au hockey ou à l'athlétisme. Dans la Rome antique, les gladiateurs entraient dans l'arène avec ces mots. Laissez-moi gagner. Si je ne peux pas gagner, laissez-moi être courageux. Aujourd'hui, vous tous, jeunes athlètes, êtes dans l'arène. Beaucoup d'entre vous gagneront. Mais plus important encore, je sais que vous serez courageux et que vous ferez honneur à vos parents et à votre pays. Que les Olympiades commencent. Merci. Et dans ces Jeux paralympiques, les personnes en situation de handicap mental finissent par trouver leur place, enfin. En 1996, aux Jeux d'été d'Atlanta, ces sportifs peuvent enfin participer à certaines épreuves avec une fédération spécifique. Après Atlanta, c'est l'édition de Sydney, et donc l'escroquerie de la fédération espagnole qui pénalise tous ces athlètes. À Madrid, le 7 octobre 2013, 13 ans après le match de Sydney, la justice espagnole rend son verdict. Fernando Martín Vicente, le président de la Fédération espagnole de sport pour les déficients mentaux, est condamné à 5 400 € d'amende et à rembourser 150 000 euros de subventions publiques versées par l'État pour les athlètes. Il risquait jusqu'à 2 ans de prison. Les 18 autres accusés voient leur poursuite carrément abandonnée, après avoir accepté un acquittement négocié avec le tribunal et les avocats de la défense. Fernando Martín Vicente, père d'une fille handicapée mentale, nie toujours aujourd'hui son implication. Mais en 2021, Miguel Sacara, le secrétaire général du Comité espagnol paralympique, en charge de l'enquête sur cette escroquerie, l'accuse. et raconte à la BBC. Fernando Martín Vicente, le président de la fédération de l'époque, a fait tout son possible pour avoir le pouvoir, pour être l'homme qui a mis le sport pour déficients mentaux au premier plan, en pensant que personne ne se rendrait compte des fautes qu'il commettait. Quiconque connaît Fernando Martín dirait qu'il est 100% impossible que quelque chose de cette importance se soit produit à son insu. L'accusation était très fondée. Le juge, dans sa déclaration finale, disait que tout avait été fait sous les ordres et les instructions de Fernando Martín. Aujourd'hui, Ray Torres, l'ex-capitaine de l'équipe de basket de Sydney, continue d'enchaîner les paniers dans son large short. À Valence, en Espagne, quand les journalistes viennent lui poser des questions, il ne lâche jamais sa balle, coincée sous son bras qu'il a tatoué des noms de ses deux parents. Après avoir rendu sa médaille en 2000, il enchaîne les séjours en institut spécialisé, les fugues et les chutes dans la drogue. Une santé mentale en dents de scie due au traumatisme de Sydney. Il habite dans un appartement individuel encadré par plusieurs professionnels sociaux, ses tuteurs. Le quinquagénaire cherche coûte que coûte son indépendance financière, travaillant dans une usine sur une chaîne de montage qui produit des pièces intérieures pour les véhicules Ford. Et c'est son histoire qui a inspiré le film espagnol Campeones, sorti en salle en 2018. Parce que Torres reste un champion. Et malgré des problèmes de santé, une hernie qui lui tord le dos, personne ne l'empêchera de marquer des paniers. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por ti. Eso es. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Y yo lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Yo lo hice por ti. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti, porque me quieras. Yo lo hice por ti. Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate. Tras todo seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo? Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido. Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Lo hice por ti. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, tricherie aux JO paralympiques de Sydney, notre invité Marc Truffaut. Bonjour. Bonjour. Ah, on n'a pas ouvert votre micro. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de sport adapté et président d'une autre fédération, Virtus. Vous entraînez d'ailleurs des athlètes sur le lancer de poids. Première question qui était un peu en filigrane de tout le récit finalement. En quoi le handicap mental, je dis bien mental, et non physique, est-il considéré comme un handicap dans le sport qui est une activité essentiellement physique ? Alors c'est vrai que pour la plupart des athlètes, le handicap est invisible, dit invisible. Pour autant, les personnes ont des difficultés en termes de communication, en termes de repères dans le temps, dans l'espace, parfois en termes de motricité, de coordination. Et en fait, c'est tout ça qui impacte leur pratique sportive. Bien sûr, ben c'est clair. Avant de nous lancer dans un décryptage de l'escroquerie que nous avons racontée, vous êtes président de la Fédération française du sport adapté, on l'a dit. Quelle est l'histoire de cette fédé déjà, née dans les années 70, je crois. Oui, c'est ça, 71. Des parents qui, en fait, ne trouvaient pas de club qui voulait bien accueillir leur enfant en situation de handicap mental, psychique ou autiste, qui décident de se regrouper, créer une fédération. Ça n'a pas été simple, hein, puisque au départ, dans les années 70, le sport pour des personnes déficientes intellectuelles, c'était pas logique, ça tombait pas sous le sens, et c'était plus du côté soin que du côté vraiment sport. Donc là, il a fallu attendre une dizaine d'années avant que la fédération soit reconnue comme une fédération sportive et puisse se développer. Pour les autistes, par exemple, on sait que les gens qui souffrent de cette maladie ont besoin de repères. C'est très important pour eux, les repères. Peut-être même le rituel. Et le sport est un rituel. Est-ce que c'est un apport, par exemple, pour les autistes ? Tout à fait. Et puis après, c'est vraiment dans notre ADN, c'est vraiment l'aménagement du milieu. C'est comment on aménage la discipline pour donner un maximum de repères. Et puis, de repères à la fois visuels, mais aussi des repères en termes de compréhension, pour pouvoir agir et puis progresser. Parlez-nous de Virtus, cette autre fédération que vous présidez. Alors Virtus, c'est la Fédération internationale du sport adapté, donc qui regroupe un peu plus de 80 pays dans le monde entier. Et cette fédération organise tout un programme de compétitions internationales, donc des championnats continentaux, des championnats du monde, et puis une fois tous les 4 ans, les Global Games, qu'on aura d'ailleurs le plaisir d'organiser en France début juin. D'accord. Donc un début juin quand cette année ? Alors cette année, du 4 au 10 juin. Donc un an avant les JO. Un an avant les JO, et maintenant c'est l'évolution, hein, puisqu'en fait au départ ces Global Games ont été créés en réaction à l'exclusion, puisque du coup, effectivement, hein, vous le soulignez dans votre récit, tout le monde a été puni par cette tricherie, tous les sportifs ont été pénalisés, et donc la Fédération Internationale, qui à l'époque s'appelait INASFID, a décidé de créer des Global Games un an avant les Jeux Paralympiques. Alors au départ c'était même l'année des Jeux Paralympiques, un peu en protestation, mais surtout pour proposer une finalité à tous ces sportifs qui avaient été pénalisés et qui pour autant continuaient à avoir comme projet de vie le sport de haut niveau. Et il y a un public, le public suit, parce que bon, les Jeux Olympiques évidemment, les Paralympiques évidemment, et ces jeux-là pour handicapés mentaux, il y a aussi un public, un soutien, ça intéresse. C'est un peu une nouveauté, hein, ça prend de l'ampleur petit à petit là pour les Global Games. Là, on a déjà plus de 10 000 billets qui sont partis, hein, puisqu'il y a une billetterie qui est mise en place, et c'est plus de 10 000 personnes qui ont déjà manifesté l'intérêt de venir sur ces Global Games, encourager ces sportifs. Aujourd'hui, c'est 1200 sportifs, c'est 50 pays qui seront présents sur 14 disciplines. Et ces Global Games vont servir de qualification aux Jeux Paris 2024, puisque en athlétisme et en natation, les performances vont compter dans le processus de qualification. Et en tennis de table, c'est la nouveauté pour nous, le vainqueur des Global Games sera automatiquement qualifié pour les Jeux de Paris 2024. Et d'ailleurs, on pense même qu'au vu du calendrier, ce seront les deux premiers sportifs à être qualifiés officiellement sur les Jeux de Paris 2024. Et au sein des Global Games, l'épreuve reine, est-ce que c'est l'athlétisme comme pour les JO ou... Alors c'est vrai qu'il y a les trois épreuves, puisque du coup on est revenu dans la famille paralympique et les athlètes ont pu reparticiper en 2012. Et c'est vrai que les trois disciplines, on va dire phares de la fédération, ce sont l'athlétisme, la natation et le tennis de table. Oui, puisque ce sont les trois disciplines qu'on retrouve au programme des Jeux paralympiques, même s'il y a très peu d'épreuves, puisque on a 4 épreuves en athlétisme, 4 épreuves en natation et une seule épreuve en tennis de table, le simple. Et on peut expliquer pourquoi le tennis de table qui n'est pas un sport de masse. Enfin, c'est un sport de masse en tant que loisir, mais c'est pas un sport d'élite comme le football ou le, vous voyez. Ah, je pense qu'il faudrait pas dire ça aux joueurs de tennis. Non, mais attendez, je parle de la surface médiatique. Oui, oui. Alors après, c'est une discipline qui, je pense, se prête peut-être un petit peu plus aux sportifs du sport adapté, qui en tout cas trouvent leur épanouissement dans cette pratique. Donc. Qui est passionnant d'ailleurs. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est captivant. Et d'ailleurs, au dernier Jeux paralympiques au niveau de la Fédération française du sport adapté, on avait 6 sportifs de qualifiés. On revient avec 3 médailles, une médaille d'or et le seul champion paralympique de l'athlétisme qui était un sportif du sport adapté sur le 400 mètres avec Charles-Antoine Kouakou. Et puis après, les 2 autres médailles, une d'argent avec Léa Fernèse en tennis de table et Lucas Créange qui prend une médaille de bronze également en tennis de table. Ah ben, bravo à eux. On va revenir maintenant sur l'affaire. Donc en 2000, vous suivez les Jeux paralympiques de Sydney, évidemment, et comme tout le monde, vous découvrez la fraude. Alors, quelle est votre réaction à ce moment-là, vous qui êtes si impliqué, hein, votre sentiment même, c'est quoi ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, en France, c'était pas encore une évidence la pratique de haut niveau pour les personnes déficientes intellectuelles. C'était vraiment pas évident au sein même de la fédération. Et d'ailleurs, on avait très très peu de sportifs. On était vraiment au tout début de cette pratique. Et cette tricherie, elle a mis à mal le développement de la fédération dans le sens où ça a mis un coup de frein et ça a créé le doute sur l'intérêt de cette pratique de haut niveau pour des personnes déficientes intellectuelles. Est-ce que vous soupçonniez qu'un jour puisse y avoir comme une escroquerie de ce genre? Parce que sportif handicapé, ça pouvait être tentant de penser qu'un jour ça arriverait. Est-ce que vous y avez pensé ou vraiment vous êtes vraiment tombé de votre chaise, quoi? Non, je pense que la réaction générale, ça a été vraiment la surprise, puisque bon, on mesure pas forcément, surtout à cette époque-là, de grand intérêt. C'était la 2e édition, on était vraiment au tout début et il y avait un circuit de compétition qui se mettait en place, mais personne n'aurait soupçonné que ça puisse arriver. D'un point de vue moral, c'est une vraie affaire sensible. Tout à fait. Ça a été très très dur pour l'ensemble des dirigeants que j'ai pu côtoyer après, qui étaient au cœur de l'affaire, et on en mesure encore les séquelles aujourd'hui. Bon. J'espère qu'on en tire les leçons. Est-ce qu'on en tire les leçons ? Alors on en tire les leçons, puisque donc du coup le processus après 2000, ça a été la mise en place de recherches pour déterminer ce qu'on appelle l'éligibilité, et qui permet de prouver que la personne est bien en situation de déficience intellectuelle. Donc en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu l'uniformisation des tests au niveau mondial. Il y a eu la fédération Virtus, donc un panel de psychologues qui du coup indépendants, qui du coup analysent l'ensemble des dossiers pour pouvoir avoir cette éligibilité-là. Donc en 2009, le comité paralympique a accepté le retour des déficients intellectuels pour les Jeux de Londres 2012. Et après, de 2009 à 2012, ça a été la classification qui permet en plus de prouver que le handicap a bien un impact dans sa pratique sportive. Et ça, c'est peut-être vraiment une particularité du handicap mental. J'ai entraîné, vous le disiez, des lanceuses et je me suis retrouvé à préparer une lanceuse pour les Jeux de Rio. Et lorsqu'elle est arrivée à la classification, effectivement, ils lui ont dit, effectivement, vous avez bien une déficience intellectuelle, mais celle-ci n'impacte pas votre pratique du lancer du poids. Cette athlète, si elle avait fait peut-être du 400 mètres ou peut-être du saut en longueur, elle aurait pu participer, mais dans le lancer du poids, ça n'impactait pas suffisamment sa pratique et son entraînement. Donc on est passé à des choses sérieuses, on est loin de ce qu'on racontait, les tests pour Sydney, faire quelques pompes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un process qui prend à peu près 6 mois pour avoir son éligibilité, et la classification c'est durant 2 compétitions. On se retrouve dans 3 minutes, on écoute Giorgio, Être. Des hommes est loin d'être invincible, et je me demande si on n'approche pas la perfection en acceptant qu'on l'ait pas. en jean ou sur vêtements d'Arsenal. Salut des gens, tu portes bien plus qu'un seul masque. Nos émotions sont réduites au néant. Hey. Tu pensais être quelqu'un, t'es qu'une larme en plein milieu de l'océan. Forcément, y'a des requins dans leur camp, je le ressens, je suis différent. Hier ça jouait contre moi, aujourd'hui c'est une force de pas rentrer dans les rangs. Je resterai toujours tolérant, des âmes sensibles au bord du suicide. Des invisibles qui ont du mal à trouver leur place. Paraît que le monde est petit et qu'aujourd'hui c'est comme un sas. Même la plus forte des femmes est loin d'être invincible. Et je me demande si on n'approche pas, hein, du savoir. En sachant qu'on sait rien, toi et moi, c'était bien, mais bien c'est pas suffisant. Il nous faut que des grands moments, des surprises à chaque jour, donc désolé pour ces larmes qui ont coulé sur nos joues. Demain tu m'en voudras plus, t'auras que des meilleurs jours, tout cela à se comparer. Donc on vit sous pression parfois, pour monter haut c'est vrai qu'on doit toucher le fond. Tu peux pas gagner sans accepter que tout s'effondre. 1000 jours pour construire, puis tout peut brûler en quelques secondes. Si c'était si simple que ça, on aurait tous des vides fous, des sourires sur nos lèvres déjà abîmés par le froid. Hey, laisse-moi mes jambes et change le monde, je répondrai à mes questions avec de multiples réponses. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Marc Truffaut, notre invité. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française de sport adapté et président de l'association Virtus. Vous entraînez des athlètes sur le lancer de poids. Et on disait tout à l'heure, et vous le disiez, à quel point cette histoire de Sydney a porté préjudice finalement à l'ensemble de la communauté des sportifs handicapés intellectuels. On dit ça aussi, handicapés intellectuels. Hein, oui, déficients intellectuels. Déficients intellectuels. Alors comment l'ont vécu les autres sportifs justement? Quels souvenirs en ont-ils aujourd'hui? Notre reporter, Annaëlle Verzo, a rencontré l'un des sportifs français les plus titrés de sa catégorie, Claude Issora. Atteint de poliomyélite, il s'entraîne 5 heures par jour aux courses en fauteuil. Il a participé à 3 Jeux paralympiques et a remporté 14 médailles, dont 7 en or. Et en 2000, il était à Sydney. On écoute son témoignage. Claude Issora, est-ce que vous vous souvenez, il y avait là-bas à Sydney une équipe de basket espagnole. Est-ce que vous vous en souvenez? Oh que oui. Oui, je m'en souviens, ça avait fait un... Même si on nous protégeait de ce qui se faisait, ce qui pouvait être néfaste pour nous. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable, mais inimaginable. Comment l'Espagne, comment ils ont pu faire ça? Même jusqu'à présent, je me dis, comment est-ce possible? Mais bon, après, eux, ils l'ont payé cher, mais le mouvement du sport adapté en paye cher parce qu'après, ils ont été exclus pendant des années. Donc, c'est toute la discipline, c'est tout le mouvement qui en a pris un coup. Même nous, en tant qu'athlètes, parce qu'on s'est dit, ben, nous aussi, on peut croire qu'on triche. Mais pour moi, ça relevait de l'irréel, l'irréel. Vous les aviez croisés ou pas, ces athlètes, ces faux? Non, je ne les ai pas croisés. Puis c'est vrai que moi, quand j'étais au village, je restais dans ma bulle, quoi, pour ne pas justement perdre de l'énergie, surtout de l'énergie mentale, quoi. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans la tête de ces joueurs aussi, de ces sportifs qui ont triché? Je pense que ce n'est même pas les sportifs qui sont fautifs, c'est tout l'encadrement. C'est l'encadrement qui a mis ça en place. Alors maintenant, qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'encadrement? Est-ce que c'était une manière de se venger par rapport au mouvement? On ne sait pas. Surtout à l'époque, la médaille d'or, voilà, elle ne valait pas plus que ça. Hein. Aujourd'hui, une médaille d'or en France, le gain, le prix de la médaille d'or, je crois que c'est 75 000 euros comme chez les valides. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, quoi. À l'époque, en France, je dirais, ça devait être 3 000, 4 000 francs, quoi. Mais c'est pour dire que ces encadrants de l'équipe espagnole là, de basket, c'est d'autant plus bizarre parce qu'en plus, il n'y avait pas des sommes en jeu incroyables. C'est incompréhensible. Voilà, les Espagnols, ils ont triché, mais il y en a d'autres qui trichent aussi, quoi. Comme il y en a d'autres aussi qui se doivent, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est pas parce qu'on est dans... Tout le monde croit que, oui, c'est des handicapés qui font du sport et ils ne se doperont jamais. C'est faux, il y a... L'athlète, il veut gagner. L'athlète, ben, il y a de l'argent à se faire, etc., etc., quoi. C'est qu'au moment, il y avait les tétraplégies, ils se mettaient une punaise ou alors ils gardaient leur urine pour monter cardiaquement, pour être plus performants. Une punaise ? Attends, une punaise, ça veut dire qu'ils se mettent une punaise au niveau des fesses pour stimuler. Mais ça, c'est du dopage, parce qu'au niveau cardiaque, ils n'arrivent pas à trop monter au niveau cardiaque. Donc c'est pour ça qu'ils gardent leur urine. Voilà, c'est comme nous, hein. Nous, quand on garde notre urine, à un moment, ça presse. Mais on est un peu, on monte au niveau cardiaque. Mmh. Eh ben, eux, c'est pareil. Mais eux, ils se dopaient comme ça, mais c'était super dangereux, quoi. Oui, donc ce que vous me dites, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que l'équipe de basket d'Espagne qui trichait. Non, il n'y avait pas que l'équipe d'Espagne qui trichait. Pour moi, la première triche, c'est les classifications. En handisport, ça, il faut le savoir, par rapport aux catégories, que ce soit athlétisme, natation, voilà, il y a des catégories. Il y a des triches dans les catégories. Même maintenant, il y a des triches parce que, par exemple, moi j'avais une athlète que j'entraînais à Adélaïde, il est né sans jambes, donc c'est un tronc. Le fait qu'il ait des abdos, on l'a mis dans la même catégorie que moi, que j'étais, 54. Mais c'est... Moi, le classificateur, je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est une plaisanterie. Il m'a dit, oui, mais le fait qu'il ait des abdos, on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre 54. Il ne tient même pas compte qu'il n'a pas de jambes, donc au niveau de son bascule fessier, il ne peut pas s'en servir parce qu'il n'a pas de jambes. Eux, ils ont un livre, ils ouvrent, ok, 54, il faut ça. T'as ça. Donc on te met 54. C'est comme il y en a, par exemple, des paraplégies qui ont des abdos, mais ils font style qu'ils n'ont pas d'abdos pour être en 53. Dans la catégorie en dessous, parce que dans la catégorie en dessous, ils peuvent avoir une médaille. Il y a des triches comme ça. Donc on va leur dire de se pencher. Si en se penchant sans céder des mains, ils tombent, donc là on va dire qu'il n'y a pas d'abdos. Mais il y en a qui se laissent tomber. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que l'IPC se penche là-dessus. L'IPC, c'est l'organisateur. Voilà, c'est la Fédération internationale de l'handisport. Il faut vraiment qu'il se penche là-dessus. Et c'est pour ça que je pense, après 2024, il va y avoir une refonte des classifications. Moi, je suis coach. Je ne suis pas classificateur. Mais après, je suis conscient du problème. Mais ça, c'est pas moi de le régler. Merci beaucoup, Claude. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Marc Truffaut, il en dit des choses, Claude Issora. Hein, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de relever dans tout cela? Après, que c'est un système qui est en évolution. Hein. Alors, c'est vrai que la démarche que je vous expliquais tout à l'heure, ce qui a été appliquée aux déficients intellectuels, de dire mais maintenant, il va falloir prouver l'impact du handicap dans la pratique sportive. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la classification, c'est en train de se faire aussi dans les autres classes, comme pouvait le dire Claude, même s'il le programmait après 2024. Il y a déjà des travaux qui sont engagés au niveau du comité paralympique. Après, oui, ça reste des hommes et des sportifs. Enfin, oui, des hommes plutôt que des sportifs, du coup, puisque De ce point de vue, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent tricher. Il n'y a pas de raison. Bon, on connaît évidemment la phrase de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, tu parles. Tous ceux qui font les JO veulent gagner, et c'est bien normal. Donc, chez les handicapés mentaux ou déficients intellectuels, en l'occurrence, c'est de dont vous vous occupez, il y a aussi cette niaque de la compétition, on est là pour gagner. Ah oui, tout à fait. Alors après, nous, au niveau de la fédération, les sportifs sont reconnus sur les listes du ministère de la Jeunesse et des Sports comme sportifs de haut niveau, ils s'entraînent quotidiennement. Il y a un niveau de performance qui est requis pour essayer d'accrocher un podium qui est vraiment très très relevé. On arrive même à avoir des sportifs. Alors j'ai un jeune lanceur de poids qui est junior et qui l'année dernière a gagné chez les valides. Alors après, on était là pour lui amener un accompagnement particulier sur cette épreuve. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va à la Fédération française d'athlétisme, dans les bilans, c'est un sportif déficient intellectuel qui avait la meilleure performance française l'année dernière chez les valides. C'est quand même fascinant parce que le lancer de poids, moi j'ai jamais fait, sinon je pars avec le poids, mais si le lancer de poids, c'est quand même tout le corps, c'est pas que les bras, j'imagine, il y a une biodynamique. Oui, bien sûr, non, mais c'est une force de la nature. C'est un Wallisien, il fait 2 mètres, 120 kilos, et le poids, ça a du sens pour lui. Alors on cherche pas à savoir pourquoi, mais en tout cas, lui, il y prend plaisir à faire tout ça. Toute dernière chose, je ne sais pas si on l'a déjà abordé, mais au cas où, par prudence, il y a plusieurs classifications pour les handicapés physiques, il n'y a qu'une seule classe pour les handicapés mentaux, qu'est-ce que ça implique ? Oui, tout à fait, alors effectivement, alors on distingue, on parlait des Global Games et de la Fédération Virtus, alors nous on a déjà avancé et on a déjà proposé d'autres classes, puisqu'on a les déficients intellectuels, on a qui est la classe 1, on a les déficients intellectuels avec un surhandicap, c'est la classe 2, et là on va retrouver principalement des personnes trisomiques. Oui. Et puis la classe 3 qui sera officielle pour la première fois au Global Games à Vichy, où là on va avoir des personnes autistes. Aux Jeux paralympiques, par contre, eh bien effectivement, il y a toujours qu'une seule classe depuis 2012. Et puis on est là, les suites de cette affaire, c'est qu'on n'est toujours pas aux Jeux d'hiver. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci, merci infiniment, Marc Truffaut. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, fraude aux Jeux Paralympiques, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.